Matin quand j'ai cassé la croûte, j'pouille ma blouse, j'prends mon otesio et mon bézoué, et puis en route, j'm'en va comme un pauvre sotesio, entraînant ma vieille patte kirchigne, à force d'aller par mon parvio. J'm'en va bêcher mon quartier de vigne, qui est à côté du champ de navio. Et là-bas, tandis que je m'esquinte à racler l'herbe autour des sacs, que je suis, que je souffre, que j'inque, que je quinte, pour gagner le bout de pain que je n'ai pas, je vois souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre bougre que l'on emmène pour l'entarrer dans le champ de navio. J'en ai-t-y vu, pis le temps que je pioche, j'en ai-t-y vu ses enterrements. J'ai vu passer c'ti du petit mioche et c'ti du pauvre de 80 ans. J'ai vu passer c'ti de la pauvre fille et c'ti des pogs aux bourgeoisiaux. Et c'ti des ceux, toute ma famille qui dort à cette heure dans le champ de navio. À présent le paysan, comme elle riche tout comme elle pauvre paysan. On les a mis à plat sous le friche, c'est plus que du fumier. À présent du bon fumier qu'engraisse ma terre et rend meilleur les vins nouveaux. V'là ce que c'est que d'être propriétaire d'un vignon qu'on tel champ de navio. Après tout, faut pas tant que je blague, ça m'arrivera, lit tout ça. La vie, c'est un arbre qu'on élague, et je serai la branche que la mort coupera. Je passerai un biosouer calme et digne, tandis que chanteront les petits moigneaux. Et quand on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de navio. Passerai un biosouer calme et digne, tandis que chanteront les petits moigneaux. Et quand on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de navio.